Salut, c'est Eric de la chaîne YouTube Jeux de rôle pour les nuls et je réponds au Frankencast numéro 8. La question était la suivante. C'est quoi pour vous un jeu alternatif? Et qu'est-ce que vous espérez y trouver quand vous y jouez? Premièrement, qu'est-ce que c'est pour moi un jeu alternatif? Il s'agit simplement d'une étiquette qui vise à catégoriser une certaine forme de jeu. À les catégoriser ces jeux en opposition à ce qui va être, entre guillemets, classique, ce qui n'est pas alternatif. Les grands jeux de rôle classiques, ceux auxquels nous sommes tous habitués, c'est Donjons et Dragons, c'est l'Appel de Cthulhu, c'est Vampires et Mascarades, ce sont des jeux qui sont aujourd'hui tellement ancrés dans la culture de la communauté rôliste qu'on sait à peu près tous comment ça fonctionne. Il y a un meneur de jeu, on lance les dés, on a des compétences, de l'équipement, on gagne des points d'expérience qui vont nous permettre de progresser. Et je pense que alternatif est une étiquette pour parler des jeux qui s'éloignent de ce modèle majoritaire, de ce modèle mainstream ou classique. Des jeux sans progression, sans expérience, des jeux sans équipement, des jeux sans compétences, des jeux sans caractéristiques, sans dés, et pourquoi pas sans préparation, sans meneur de jeu. Bref, je pense que alternatif est là pour catégoriser ces genres de jeux en opposition à ce qui est plus classique. Je pense qu'un jeu n'est pas alternatif durant toute sa vie. Il peut être alternatif à un instant T, puisqu'il rentre en opposition avec ce qui se fait au moment où il sort, par rapport aux jeux de rôle les plus joués, par rapport aux jeux de rôle les plus utilisés, il va se démarquer. On va donc dire que c'est un jeu alternatif. Mais au fur et à mesure du temps, les jeux qui n'étaient pas alternatifs vont potentiellement prendre des éléments de ce jeu alternatif, vont s'en inspirer, vont piocher dedans et vont évoluer dans un sens différent. Et à un moment, la différence va se gommer plus ou moins naturellement et ce jeu ne sera plus alternatif. Quand de très nombreux jeux sur le marché n'utilisent plus l'expérience, eh ben, on ne peut plus dire qu'un jeu est alternatif parce qu'il n'utilise pas de système d'expérience. Et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que je pense que l'alternatif, c'est vraiment une manière de catégoriser les jeux par opposition. C'est une définition par soustraction. C'est-à-dire que plutôt que de dire ce jeu est comme ceci ou comme cela, par exemple ce sont des jeux sans meneur, ce sont des jeux tous meneurs, ce sont des jeux sans préparation, plutôt que de définir ce qu'est un jeu, on va le définir par soustraction. C'est-à-dire que l'on va le définir en opposition à ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire du jeu de rôle classique. C'est-à-dire juste dire qu'il ne ressemble pas à Donjons et Dragons, qu'il ne ressemble pas à Vampire et Mascarade, qu'il ne ressemble pas à Pathfinder ou je ne sais quel autre jeu de rôle classique que l'on connaît tous. Donc voilà, pour moi, alternatif, ce n'est pas forcément un terme très agréable parce que c'est quelque chose qui va permettre de définir un jeu ou une pratique de jeu, mais uniquement en opposition, uniquement en confrontant ce jeu, cette pratique, à ce qui se fait plus majoritairement. De plus, c'est une étiquette, comme je le disais tout à l'heure, qui va pas survivre aux années. Puisque le jeu de rôle, entre guillemets, mainstream, celui qui est le plus joué, le plus utilisé, va évoluer, et pas mal de choses qui étaient alors alternatives à l'époque vont devenir classiques, et ainsi de suite. Qu'est-ce que je cherche dans des jeux alternatifs? Tout d'abord, je dois avouer que je suis un grand joueur de classique. Moi, j'aime bien les jeux de rôle classiques avec un meneur de jeu, avec des dés, avec des compétences, avec un système d'expérience. Bref, ce qu'on fait habituellement en jeu de rôle me plaît beaucoup, que ce soit pour des one-shots ou des campagnes. Néanmoins, il m'arrive de temps en temps de jouer à des jeux alternatifs. Et quand je le fais, j'y recherche plusieurs choses. Premièrement, j'aime parfois mettre les pieds sous la table et profiter d'un jeu de rôle immédiatement. Et aujourd'hui, les jeux de rôle, entre guillemets, classiques, ne me le permettent pas. Il est très difficile, sans rien préparer, quand on est maître de jeu, de lancer une partie de Donjons et Dragons sur le pouce, par exemple. Je vois mal quelqu'un dire, bon, ok, ils arrivent dans 10 minutes, ils viennent de m'envoyer un texto, ils sont en bas de l'immeuble, dans 10 minutes, on joue un scénario de Donjons et Dragons, allez, on se lance, on n'a pas fait de personnage, j'ai pas préparé de partie, pas de PNJ, j'ai pas de carte, enfin, j'ai rien préparé du tout, c'est pas possible. Eh bien, certains jeux que je qualifierais facilement d'alternatifs puisqu'ils se démarquent du jeu de rôle plus classique, comme Sonja et Conan contre les ninjas, comme l'agence Montclair d'Arès, permettent de se lancer sans préparation, comme les jeux qui sont sur Force de Drama, C'est quelque chose qui me plaît beaucoup dans une grande partie des jeux alternatifs que j'utilise, c'est qu'il n'y a pas besoin de préparation. On a envie de jouer à un jeu de rôle. On lance le site Force de Drama. On imprime les cartes de ninja, de Sanjay et Conan contre les ninjas. On sort quelques dés et on peut commencer à jouer. Ça, c'est la première chose que je cherche quand je fais du jeu alternatif, c'est du jeu rapide, du jeu pas prise de tête et du jeu sans préparation. La deuxième chose que je cherche dans les jeux alternatifs, ce sont des nouvelles méthodes, des nouvelles manières de faire ou des choses qui vont pouvoir m'apporter quelque chose de bénéfique à ma pratique du jeu de rôle, quand bien même elle est plus classique. Par exemple, à l'époque où j'ai découvert les jeux propulsés par l'Apocalypse, c'était des jeux alternatifs, dans le sens où ils avaient formalisé pas mal de choses, de la pratique de maître de jeu, avec les manœuvres du maître de jeu et les principes du MJ, que je faisais parfois déjà de manière classique, mais voilà, ils ont formalisé un peu ça. Et maintenant, je sais que, par exemple, chaque fois qu'il y a un échec dans une partie de jeu de rôle, je m'arrange toujours, même dans Donjons et Dragons, même dans l'Appel de Cthulhu, pour que cet échec ait des conséquences et que ce ne soit pas juste un nom dans la fiction. J'utilise beaucoup le nom mais, non et. Et je trouve que ça provoque plus de jeu, plus de plaisir. Et du coup, voilà, c'est quelque chose que j'ai emprunté au jeu propulsé par l'Apocalypse, que j'emmène ailleurs. Et aujourd'hui, beaucoup de jeux le font. Quand on regarde les conseils du dernier Cthulhu V7, c'est pareil. On dit de ne plus lancer des dés quand ça sert à rien ou que les échecs doivent être importants dans l'histoire. Bref. Ça n'a plus rien d'alternatif, ce genre de pratique. Je pense que Apocalypse World et les jeux qui en sont descendus ne sont plus des jeux alternatifs aujourd'hui. Mais voilà, moi, ce que je recherche dans un jeu alternatif, c'est ça. C'est soit du plaisir immédiat, puisque les jeux alternatifs, en tout cas ceux qui me permettent de jouer sans préparation rapidement, vont me permettre d'avoir du plaisir dans le jeu de rôle plus facilement, plus rapidement. Et deuxièmement, des nouvelles mécaniques de jeu, que ce soit les aspects de Fate. À l'époque où Fate est sorti, ou que ce soit les questions de force de drama, ou bref, tout ce qui va être nouvelle manière de jouer, nouveau game design, c'est des choses moi que je trouve très intéressantes, ne serait-ce que pour essayer de nouvelles choses, diversifier ma pratique, et pourquoi pas, si ces nouvelles façons de faire me plaît, les emmener dans le jeu de rôle classique, dans le jeu de rôle mainstream, pour diversifier ma pratique et m'ouvrir à nouvelles choses et puis voir si ça peut être très intéressant. Il y a des trucs très bien qui se font dans le jeu de rôle alternatif, dans le jeu de rôle indépendant. Et pourquoi pas piquer là ce qui me plaît, puis piquer ce qui me plaît aussi dans le jeu de rôle classique, et puis voilà, faire une petite tambouille et avoir le jeu de rôle de mes rêves, le jeu de rôle qui me plaît. Voilà pour cette participation. J'aurais fait moins de 10 minutes, mais j'ai pas grand-chose à dire de plus. Je vous dis à plus!